Au sein des États-Unis, l'opinion publique affirme que le choix stratégique utile, c'est de se retirer de la péninsule coréenne. Plus précisément, l'ancien secrétaire à la défense Perry a dit dans une conférence qu'il faut procéder aux négociations pour diminuer la dangerosité des armes nucléaires coréennes capables de frapper le territoire américain, alors que l'assistant spécial à l'ancien président Reagan a souligné que les États-Unis doivent élaborer une politique sur la base de la réalité coréenne, pays possesseur du nucléaire. Le chef des analyses stratégiques d'Asie-Pacifique et de la compagnie informatique a véhiculé un écrit sur l'Internet invitant les États-Unis à reconnaître avant tout la détention du nucléaire de la Corée, alors que les anciens fonctionnaires, surtout l'ancien assistant au sous-secrétaire d'État américain Robert Gallucci, ont revendiqué à la nouvelle administration de faire le choix de dialogue et de négociation avec la Corée. Un spécialiste du système de défense antimissile a dit que les efforts américains pour établir le système de défense antimissile sont un coup d'épée dans l'eau, tandis qu'un chercheur responsable à l'Institut Keito a fait remarquer que se retirer de la péninsule coréenne est un choix stratégique favorable aux États-Unis. Les importantes presses, surtout AP et CNN aussi, ont indiqué que les armes nucléaires coréennes ne font pas l'objet de marchandage et que Trump doit voir correctement la réalité et penser avec raison.